Les nuits de France Culture. Les nuits de France Culture. Une mémoire radiophonique. Le KGB a été officiellement dissous en 1991. Mais si, comme on le dit, on ne quitte jamais le KGB, d'une certaine manière, il survit encore aujourd'hui à la tête de l'État russe en la personne de son président Vladimir Poutine, qui, on le sait, en fut un officier. Dans les deux derniers épisodes de la série qu'il consacrait aux histoires de l'espionnage soviétique, Alexandre Adler s'intéressait au rôle du KGB dans les années qui précédèrent la chute de l'Empire soviétique. Une figure domine le récit qu'il fait de cette période, celle de Youri Andropov. Andropov, qui fut aux commandes du KGB de 1967 à 82 et brièvement de l'appareil d'État jusqu'à sa mort en 84. Lui succéda un Tchernenko en petite forme qui lâcha la rampe après un an, laissant la place au nettement plus jeune Mikhail Gorbatchev, à la perestroïka et à la glasnost qui, comme nous le raconte Alexandre Adler, devait quelque chose à Youri Andropov. Mais rien, depuis longtemps déjà, ne pouvait plus sauver du naufrage le rêve qui avait pris forme 70 années plus tôt. Histoire d'espionnage soviétique par Alexandre Adler. Andropov, le KGB au pouvoir. La vérité, dit le grand Hegel, vient toujours à la fin. En 1967, l'Union soviétique a encore de beaux jours devant elle. Elle fête le 50e anniversaire de la révolution d'octobre. Elle est à la tête d'un vaste empire qui va encore s'étendre avec l'effondrement des empires coloniaux africains dans les années 70. Elle n'a plus de taux de croissance flatteur dont elle puisse se réjouir, mais elle demeure une grande puissance industrielle. Et beaucoup pensent qu'une dose plus ou moins forte de réformes économiques lui permettra de repartir de l'avant. Rares sont ceux qui voient dans ce pays un système déclinant et voué à l'extinction, et quelques-uns qui osent écrire que l'Union soviétique est à la veille d'une grande crise sont généralement tenus pour des originaux, ils sont d'ailleurs bien isolés. Pourtant, dès cette époque, des signes de décadence accentués apparaissent, la corruption devient généralisée, l'appareil du parti se liquéfie petit à petit, notamment dans des régions périphériques. Avec le recul du temps, nous voyons tout cela comme l'indice des grands bouleversements qui devaient se produire dans les années 80. Mais en tout cas, ils vont donner aux services de sécurité soviétiques une importance et une place qu'ils n'avaient jamais eue jusqu'alors. Ou, entendons-nous, l'usage de la répression, l'espionnage de ses propres citoyens, le développement d'activités subversives à l'étranger qui remplacent peu à peu des partis communistes qui soit s'assagissent, comme le Parti communiste italien, soit disparaissent, comme beaucoup d'autres en Europe, en Asie ou au Moyen-Orient. Tout cela, évidemment, constitue une montée en puissance lente mais inexorable des services de sécurité. Mais les services secrets n'étaient pas mûrs pour s'opposer à des institutions bien enracinées, comme l'armée victorieuse de 1945 et qui n'aimait pas le KGB et ses succès d'années, comme le parti qui croyait encore à sa tâche d'éducateur du peuple et disposait d'un appareil beaucoup plus puissant. Il faudra attendre quelques années encore pour que les hommes à la casquette bleue, comme on les appelle, les officiers du KGB, jouent un rôle pratiquement déterminant dans la vie politique de l'Union soviétique. Et à ce moment-là, au fond, c'est le moment de révélation. On se rend compte que derrière ce décor du parti, voire d'une armée puissante, ce sont ces hommes-là, les hommes du renseignement et les hommes de la police politique, qui sont devenus les facteurs principaux d'évolution ou de gestion de ce vaste empire. Et dire cela, ce n'est rien d'autre que de dire que cet empire est condamné, car on ne gouverne pas avec sa police et ses services secrets, ou en tout cas, on ne le fait pas durablement, et on le fait avec des conséquences certainement beaucoup plus graves que celles qui étaient envisagées au départ. Mais en même temps, c'est là le paradoxe, si le KGB révèle la nature répressive et la faillite morale du régime, il n'est pas nécessairement en tant que tel l'élément le plus failli, ni même l'élément le plus répressif du régime. Ce paradoxe va être incarné par un homme, Youri Andropov, qui dirige le KGB de 1967 jusqu'à 1982, et qui, de façon brève mais fulgurante, va s'emparer à la fin de cette période du pouvoir dans toute l'Union soviétique et en deviendra, d'une certaine manière, juste avant Gorbatchev, la dernière incarnation léniniste, le dernier croyant du système. Le paradoxe de Youri Andropov est ce qui va nous occuper dans cette émission et ses suites, la fin de l'Allemagne de l'Est, dans la suivante. Youri Andropov est un personnage mystérieux, on ne sait toujours pas beaucoup de choses de sa vie. Elle a été compliquée, elle est passée par des hauts et des bas, mais elle rencontre le chemin des services secrets dès 1939, lorsqu'il est nommé secrétaire de la jeunesse communiste en Carélie, à la veille de l'agression contre la Finlande, avec la mission qui lui est confiée d'installer dans une Finlande occupée, mais qui ne le sera jamais, les bases d'un nouveau régime soviétisé. Après la guerre, Youri Andropov, qui restait en Carélie jusque-là, va devenir secrétaire de la jeunesse communiste de la République de Carélie, c'est-à-dire cette région frontalière de la Finlande et proche de Leningrad, puis secrétaire du parti de Carélie, avant d'être appelé à des fonctions nouvelles à la mort de Staline, dans une période qui pour lui a tout l'air d'une disgrâce, mais qui va lui permettre de rebondir et de réapparaître en pleine gloire comme conseiller d'ambassade, puis comme ambassadeur, à Budapest, en Hongrie, au moment même où éclate la grande insurrection de 1956. Son rôle dans cette affaire est ambigu, il a d'abord encouragé les réformateurs, puis ensuite il a été un des organisateurs de l'intervention, victime d'une crise cardiaque due au stress peu après l'entrée des troupes soviétiques à Budapest. Il part quelques semaines plus tard à Moscou pour ne plus jamais revenir dans la diplomatie. Mais comme il est jugé par la direction collective comme un des hommes qui a sauvé la Hongrie pour le pouvoir soviétique, il reçoit une nouvelle promotion, celle de secrétaire du département des pays de l'Est, chargé des rapports avec tous les États communistes, et d'abord en priorité ceux du pacte de Varsovie, depuis la Pologne jusqu'à la Bulgarie. Cette expérience est assez précieuse pour lui, elle va lui permettre de passer sans grave recul la période de chute de Khrushchev et d'instauration d'un nouveau régime. Il est connu pour ses idées relativement libérales et c'est la raison pour laquelle il est un de ceux qui pèsent d'un poids le plus important dans la lutte contre les tentatives faites par Boris Chelepine pour réhabiliter Staline après la chute de Khrushchev. Pour toutes ces raisons, il va devenir le candidat du centre, donc de Léonid Brejnev lui-même, pour diriger le KGB lorsque Brejnev décide de l'ôter à Boris Chelepine. Donc comprendre la politique d'Andropov au KGB, c'est d'abord comprendre qui était Chelepine. Chelepine a été le secrétaire de la jeunesse communiste dans la dernière partie du règne de Staline, notamment pendant la guerre. C'est un homme audacieux, brutal, violent, nationaliste, et il a marqué très nettement l'orientation du KGB. Chelepine, en effet, estime que le KGB doit maintenant jouer un rôle politique direct, notamment dans le tiers-monde, où il doit devenir un peu l'épine dorsale rôle que le Comintern avait assumé dans les années 30 pour un certain nombre de régimes. Chelepine est un nationaliste russe, c'est-à-dire, dans les termes de l'époque, un antisémite convaincu. Il pense que Beria s'était appuyé sur une bande de juifs plus ou moins dévoués à l'Union soviétique et qui doivent être tous les uns après les autres balayés, mais c'est un homme qui est à la fois plus efficace et plus redoutable que M. Renaud Camus. Son organisation, en effet, la répression non seulement des juifs, mais le ciblage d'Israël comme un des ennemis principaux de l'Union soviétique, vont jouer un rôle important. Et pour cela, donc, Chelepine considère que une des tâches essentielles de l'Union soviétique à l'avenir, c'est d'établir une alliance solide avec le mouvement national arabe, avec deux points d'appui principaux, Alger, Ben Bella, Le Caire, Nasser, et d'organiser la révolte du tiers-monde en alliance avec Cuba et Fidel Castro, dont il a une opinion beaucoup plus élevée que les dirigeants politiques depuis la crise des missiles. Enfin, Chelepine juge nécessaire une réconciliation avec la Chine communiste, et il fera ses voyages secrets qui avaient tellement frappé l'imagination de Golitsyn peu avant sa défection aux États-Unis. En fait, les interlocuteurs que Chelepine a pu avoir en Chine ont tous été éliminés par Mao au début de la révolution culturelle, car Mao, qui détestait les soviétiques, n'avait aucune intention d'entamer la moindre réconciliation. Mais tout cela, évidemment, n'apparaîtra que progressivement. Au fond, le modèle de société auquel Chelepine pense, c'est une sorte de fascisme soviétique, dont le KGB deviendrait, d'une certaine manière, la Waffen-SS. Et c'est précisément ce dont un certain nombre de ses collègues se doutent et ne veulent pas. Alors, c'est vrai que Chelepine, dès la chute de Khrushchev, dont il a été un des principaux organisateurs, essaie d'alléger les suspicions qui portent sur lui en abandonnant sa responsabilité au KGB. Il y nomme son bras droit, un Ukrainien du nom de Semichasny, mais ceci ne fait nullement illusion. Et c'est en 1967 que, finalement, Brejnev trouvera les moyens et l'énergie pour se débarrasser de lui. Les raisons de cette affaire sont particulièrement intéressantes à révéler. Il s'agit purement et simplement de la défection de la propre fille de Staline, Svetlana, aux États-Unis. Et il est évident que cette affaire avait fait couler beaucoup d'encre et créé un climat de suspicion réciproque. En effet, Svetlana avait d'abord épousé en première noce un communiste indien qui était très actif dans le mouvement de la paix. Elle était à la fois buveuse, querelleuse, elle reprochait à Khrushchev d'avoir fait assassiner son frère Vassili, qui était mort dans un chalet, dans un état d'alcoolisme très largement dépassé. Et Chelepine avait beaucoup courtisé sa famille dans l'espoir de cette réhabilitation de Staline qu'il voyait comme le couronnement de son œuvre. Aussi, lorsque cette dernière décide finalement de partir en Occident pour y publier des mémoires retentissants et devient une vedette du circuit des talk-shows américains, Chelepine est-il particulièrement discrédité? C'est un rapport de sécurité intérieure sur la défection de Svetlana Staline qui entraîne la perte de sa responsabilité pour Semichasny et l'éloignement de Chelepine des postes clés. Il devient président des syndicats soviétiques, continue à ce titre à siéger au bureau politique. En 1974, Brejnev se sent assez fort pour l'éliminer, et on n'entendra plus guère parler de Boris Chelepine. Andropov, c'est l'inverse. Andropov est un anti-stalinien, ou peut-être pas de la première heure, mais de la deuxième. D'où lui viennent ses convictions anti-staliniennes? D'une part, de son mentor, Otto Kuzinen, le fondateur du communisme finlandais, dont il a été le bras droit en Carélie pendant les années décisives, 1939-1947, mais aussi Andropov a vécu, comme il le racontera lui-même, le stalinisme dans sa chair, dans la mesure où, secrétaire du parti en Carélie, il a craint, dit-il, d'être arrêté chaque jour et chaque nuit pendant 2 ans. De quoi s'agit-il? Il s'agit en fait de cette période du complot des médecins, où le grand protecteur On dit souvent le père adoptif d'Andropov, l'ingénieur général du KGB Rapoport, un tchéquiste juif qui a été à l'origine de sa carrière depuis le début des années 30, a été interrogé très durement par une fraction du KGB dévouée à Staline, et qui, cet interrogatoire, aurait pu, en tout cas, déboucher, selon Andropov lui-même, sur son arrestation et sa destitution. Bref, Youri Andropov est décidé à tourner la page du stalinisme pour revenir à un léninisme pur. On peut aujourd'hui penser que sa démarche était naïve. Et en tout cas, en arrivant à la tête du KGB, et en ayant la tâche extrêmement lourde et pénible de réprimer les débuts de la dissidence intellectuelle, il a aussi l'intention de faire servir le service à des fins légèrement différentes de celles qu'envisageait Chelepine. Certes, Andropov n'a pas la tâche facile, si tant est qu'il s'est donné vraiment pour objectif de démocratiser ou de libéraliser l'Union soviétique. Dès son arrivée en 1967, il est chargé de surveiller l'évolution de la Pologne, où une crise étudiante débouche sur un affrontement entre la jeunesse démocratique et l'appareil du parti, et une campagne antisémite violente dont il essaiera d'arrêter un certain nombre de retombées, mais sans pouvoir totalement freiner ce train que Boris Chelepine avait mis en marche avant de perdre le contrôle des organes de sécurité. De même, Andropov héritera du problème tchécoslovaque et devra utiliser les ressources existantes du KGB pour préparer l'invasion et la normalisation de la Tchécoslovaquie. Tout au plus tentera-t-il de maintenir Dubček après l'échec partiel de cette invasion, puis ensuite d'imposer avec Gustav Husák au moins une victime des procès staliniens qui limitera l'étendue de la répression en Tchécoslovaquie sans en supprimer la nature épouvantable. Andropov protégera son ami Janos Kadar en Hongrie, c'est tout à son honneur, mais il ne modifiera pas de façon importante les rapports de sujétion des différentes démocraties populaires avec l'Union soviétique. Bien au contraire, Brejnev étant entré à partir de 1968 dans la doctrine de la souveraineté limitée qui permet en fait à l'Union soviétique toute intervention là où elle le peut parmi ses alliés. De même, Andropov aura beaucoup de mal à freiner l'enthousiasme de Léonid Brejnev pour les conquêtes outre-mer, notamment en Afrique et au Moyen-Orient, dans la mesure où de puissantes forces associées en Union soviétique militent en faveur de cette expansion au-delà des frontières traditionnelles. Andropov n'a pas un poids illimité et donc ces interventions vont être relativement peu suivies d'effet, sauf dans un domaine, le Moyen-Orient. Une lettre d'Andropov à Brejnev qui est citée par le général Dimitri Volkogonov, ce général devenu conseiller de Boris Yeltsin et qui a publié beaucoup de documents fort intéressants sur l'histoire russe, montre Andropov s'adressant à Brejnev presque comme un petit enfant pour lui expliquer que le Moyen-Orient, contrairement à ce que disent certains, n'est pas une zone vitale pour l'Union soviétique et que la politique soviétique devrait s'inspirer plutôt de la recherche d'une paix de compromis entre Israël et les Palestiniens notamment, plutôt que d'attiser les feux d'une confrontation dont finalement l'Union soviétique n'aura rien à retirer. Et enfin, Youri Andropov n'a pas une influence complète non plus sur la guerre aux dissidents que fait l'appareil du parti. Là encore, il se limitera à éviter la casse en systématisant la pratique de l'expulsion, celle dont bénéficiera d'une certaine manière Alexandre Solzhenitsyn, son corps défendant, lorsqu'il sera en 1974 envoyé dans un avion pour Zurich et ensuite pour les États-Unis. Bref, on pourrait dire que la politique d'Andropov, en tête des services secrets, a été essentiellement une politique d'atténuation et de freinage. La prudence ne fait pas une grande politique encore. Pourtant, bien des indices montrent que dès cette époque, le début des années 70, Andropov commence à faire le ménage en profondeur, même s'il ne doit pas montrer son jeu trop vite. C'est ainsi qu'il met à la retraite un certain nombre de vieux de la vieille du KGB qui étaient marqués par les méthodes de violence et d'intimidation qui étaient celles de l'organisme autrefois, et prône dans certains domaines une approche beaucoup plus sophistiquée. C'est lui, par exemple, qui va mettre l'accent sur l'espionnage technologique, celui auquel a participé Vladimir Poutine. Mais dans quel domaine particulier la patte d'Andropov est particulièrement sensible? On pourrait citer encore une fois le Moyen-Orient, et ici, bien sûr, une affaire particulièrement intéressante nous donne un coup d'éclairage brutal et extrêmement fascinant sur la politique de Youri Andropov, c'est l'affaire Henri Curiel. Henri Curiel, ce communiste juif égyptien, expulsé du pays par le roi Farouk, fondateur du parti communiste égyptien, en tout cas de l'un d'entre eux, personnage à la fois haut en couleur et extrêmement respecté pour son désintéressement moral et son esprit de sacrifice. Henri Curiel, donc, était venu en France dès les années 50 et avait fini par y faire souche dans la mesure où son pays natal, l'Égypte, ne voulait pas de lui. Fils d'un grand banquier, disposant d'une fortune relativement considérable, il s'était entièrement consacré à la défense des humbles, et comme il avait des idées grandioses, mais que les soviétiques avaient dénoncé son parti communiste dès la fin des années 50, au fond, Curiel s'occupait de solidarité, comme il le disait, avec un certain nombre de mouvements révolutionnaires, sans arriver véritablement à avoir une prise sur les choses. Cet homme foncièrement bon et un peu décalé, avec des idées gauchistes tardives, n'avait rien, en fait, lui non plus, puisque nous avons déjà démontré cela à propos de Pierre Cotte, d'un agent véritable. Mais Henri Curiel avait, au-delà de ses actions de solidarité avec Saint-Domingue ou avec la Birmanie, une carte entre les mains dont il sous-estimait l'importance. C'était un juif, et un juif affirmé, qui avait reconnu le droit d'Israël à l'existence à ses risques et périls dès 1947, et qui était respecté à ce titre par les dirigeants israéliens. C'était un communiste convaincu qui ne se consolait pas d'avoir été diffamé et mis au ban par les soviétiques de 1951-52. On l'avait accusé de collusion avec André Marty, cet autre maudit du communisme français. Et c'était aussi un homme qui, par ses actions de solidarité avec le FLN algérien, sa connaissance des mouvements révolutionnaires arabes, avait la confiance des milieux palestiniens. C'est la raison pour laquelle cet Henri Curiel, dont les actions avaient un caractère, même lorsqu'elles étaient courageuses et anticonformistes, un caractère plus symbolique que réel jusqu'alors, va tout d'un coup, tel un prospecteur qui tombe sur un filon inespéré, jouer un rôle démesuré, peut-être pas démesuré car il avait beaucoup d'envergure, mais en tout cas sans commune mesure avec celui qu'il jouait par ailleurs, celui de la paix au Moyen-Orient. Nous sommes au lendemain de la guerre d'octobre de 73 et les différents pays du Moyen-Orient qui ont approché de l'abysse commencent à ce moment-là à prendre des mesures pour ne pas se retrouver la fois suivante avec une guerre impossible à mener. C'est dans cette optique d'ailleurs qu'on s'intéresse dès cette époque à Moscou au nucléaire israélien. Une première visite secrète de Yevgeny Primakov, futur premier ministre russe, est organisée avec l'aide des Israéliens pour qu'ils se rendent compte de la réalité de ce programme nucléaire en Israël et adoptent avec les Israéliens un certain nombre de procédures pour éviter des tirs accidentels de missiles ou le déclenchement d'une guerre presse-bouton par inadvertance. Ces mesures sont symétriques de celles qui existent depuis un certain temps avec l'OTAN, mais elles sont un pas dans le sens d'une nouvelle reconnaissance d'Israël par l'Union soviétique. Curiel, évidemment, n'a rien à voir avec toutes ces affaires nucléaires. Mais une fois cette opération réussie par Primakov, Eh bien, Curiel a quand même ce point commun avec les savants nucléaires israéliens que lui aussi connaît Primakov. Yevgeny Primakov, un homme de confiance d'Andropov en matière de Moyen-Orient, a été longtemps le correspondant de Tass en Égypte. Il connaît toute la politique égyptienne, il parle fort bien l'arabe égyptien, et il a beaucoup d'estime pour Henri Curiel, qu'il n'a pas connu directement, mais dont il a vu les rapports et dont il connaît les engagements. Curiel comme Primakov sont deux juifs arabisés, arabisants, qui aiment le monde arabe et qui voudraient le voir se modérer pour devenir compatible avec l'État d'Israël. Et évidemment, sans que l'on connaisse le détail de leur rencontre, on voit bien que quelque chose comme une grande connivence est née entre les deux hommes. En un mot, Curiel devient chargé par la diplomatie soviétique d'apporter la contribution soviétique essentielle au processus de paix, nous sommes dans les années 70, le dialogue entre Israël et les Palestiniens. Ce n'est pas à l'époque une chose facile, beaucoup d'extrémistes y sont opposés, et lorsque une série d'assassinats en règle endeuille l'OLP, presque tous les délégués de l'OLP sont tués les uns après les autres dans cette fin des années 70, aucun doute n'est possible lorsque les tueurs viennent mettre une balle dans la tête au délégué de l'OLP à Londres, Saïd Hamami, qui était l'ami intime de Curiel et le véritable organisateur du dialogue israélo-palestinien. Premier dialogue israélo-palestinien de la fin des années 70. Aussi, lorsque Henri Curiel est abattu à son tour, en plein Paris, est-on tenté de mettre l'attentat contre Curiel dans la série ininterrompue de ces meurtres signés du groupe Abou Nidal, c'est-à-dire d'un groupe de tueurs qui est en location. Il est évident que la différence des meurtres précédents, revendiqués avec hauteur et esprit provocateur par Abou Nidal, personne ne va revendiquer l'attentat contre Henri Curiel. Et pourtant, les liens avec Saïd Hamami, sa proximité, laissent guère de doute. La vraie motivation de la mort d'Henri Curiel, ce n'est pas son soutien à l'Afrique du Sud, ce ne sont pas ses activités en Amérique latine, c'est bel et bien ce processus de paix israélo-palestinien qui est en train d'être enterré à l'époque. Alors qui ? Le Mossad ? Non seulement les Israéliens ont toujours nié, toujours manifesté à Curiel une certaine sympathie, mais le Mossad n'est pour rien dans la mort de ses différents délégués palestiniens. Pourquoi le serait-il dans celle de Curiel ? Pourquoi, autre part, a-t-on voulu effacer la signature ? Probablement parce que il s'agissait là d'un geste de respect à l'égard de l'Union soviétique. Le groupe Abou Nidal était à l'époque payé par l'Irak. Saddam Hussein peut avoir joué un rôle dans la mort de Curiel, mais il ne voulait pas signer officiellement un assassinat dont la signification politique était beaucoup plus importante aux yeux de Moscou que celle de différents délégués de l'OLP qui avaient pourtant été les amis et les interlocuteurs de Curiel. Alors que penser ? Probablement un règlement de compte au plus haut niveau à Moscou ou entre différents États du monde arabe a coûté la vie à Henri Curiel, mais c'est en tout cas un moment de grande difficulté pour Yuri Andropov qui correspond à cette mort imprévisible. C'est une période où Andropov est moins écouté, c'est donc une période où mûrit l'opposition d'Andropov à Brejnev. Et c'est de cette opposition que naissent en réalité toutes les idées, y compris la perestroïka, qui ont bâti en quelques années le monde actuel que nous connaissons. C'était Histoire d'espionnage soviétique par Alexandre Adler. Équipe de réalisation, Jean-Claude Gauthier, Serge Ristich, Julie Garraud, Brigitte Bouvier. Histoire d'espionnage soviétique par Alexandre Adler. La chute du mur, le chant du cygne du KGB. Fin 1978, l'Union soviétique est apparemment à la tête d'un très vaste empire et dans une situation qui continue à en faire une puissance mondiale enviée. La réalité, on le sait maintenant, est très différente. Depuis 1976, l'Union soviétique connaît ce qu'on appelle pudiquement une croissance négative, c'est-à-dire une chute de plus en plus rapide de son produit intérieur brut. L'économie tout entière est entrée dans une crise finale, dont elle n'est à ce jour pas sortie à proprement parler. La corruption a atteint des niveaux alarmants, créant ainsi une économie parallèle qui fera surface seulement après la chute du communisme, mais qui est déjà bien en place et qui introduit ses hiérarchies, sa richesse, son langage, sa propre vulgarité. Le parti profondément démoralisé est éclaté, en tendances qui ne se sont pas encore exprimées ouvertement, mais qui, comme des courants souterrains, expliquent le fait que des gens qui se réclament d'une même tradition communiste, désormais sans grande signification, soient devenus, pour les uns, des fascistes nationalistes purs et simples, pour d'autres, des sociodémocrates discrets. Tout cela n'apparaîtra réellement qu'avec l'avènement de Mikhail Gorbatchev, mais tout cela est déjà sous-jacent et exprime le malaise croissant qui va atteindre aux deux extrémités ethnographiques de cet empire, en Pologne d'une part, en Afghanistan de l'autre, des moments de paroxysme. C'est là que se joue l'acte final de l'histoire des services secrets soviétiques, et d'abord la victoire de Yuri Andropov. Cette victoire n'avait rien d'évident. Depuis 1976-77, en effet, Yuri Andropov, soupçonné d'être pour partie d'origine juive, ou en tout cas de protéger un trop grand nombre d'intellectuels juifs, étant lui-même profondément engagé dans le succès de l'expérience hongroise de János Kádár, considéré par tous les conservateurs soviétiques comme un défi aux lois mêmes du socialisme tel qu'ils le conçoivent, Andropov donc était en perte de vitesse. Il n'avait d'ailleurs jamais reçu le contrôle total et complet du KGB, même si sa rigueur, son intelligence, l'ardeur qu'il mettait à poursuivre un certain nombre d'objectifs lui avait valu la révérence, voire la fidélité, d'un très grand nombre d'officiers subalternes à l'intérieur de cet organisme. Mais il était encore loin de pouvoir s'en servir comme d'un bélier contre le pouvoir politique. Ce qui va lui donner la possibilité de le faire, c'est en fait la rapide déliquescence du groupe brejnevien, et en particulier l'incapacité où celui-ci se trouve de gérer coup sur coup deux crises d'une gravité exceptionnelle, la crise afghane, qui montre toute l'absurdité de la politique de pousser en avant vers le sud, qui a été défendue pendant des années par les adversaires de Yuri Andropov, et c'est d'autre part la situation polonaise, qui ne laisse d'autre solution qu'une intervention à chaud en Pologne même pour éviter le pire. Yuri Andropov va réussir coup sur coup les deux opérations. En Pologne, grâce au KGB et grâce à l'appui qu'il donne au général Jaruzelski, qui est son principal interlocuteur, c'est finalement une solution polonaise interne qui prévaut avec l'état d'urgence de 1981. Cette victoire partielle est entièrement à mettre au compte de la stratégie défendue par Yuri Andropov qui s'oppose de toutes ses forces à une intervention militaire qui, si elle avait eu lieu, aurait sans doute représenté la catastrophe la plus importante de la fin de l'histoire de cet empire soviétique. Mais comment l'intervention militaire, qui était encore très menaçante au mois de décembre 1980, a-t-elle été évitée? Précisément, c'est ici qu'il faut faire un historique assez suivi de cette période extraordinaire de complot et de coups fourrés. Et bien entendu, reparler du complot principal, celui qui aurait pu faire tout basculer, l'attentat contre le pape. On ne sait pas tout, c'est l'évidence de cet épisode extraordinaire. Mais enfin, les langues se délient. Le cardinal Casaroli lui-même a déclaré ouvertement qu'il s'agissait d'un complot très compliqué venant de l'Est. Il a raison d'employer ces mots. Ils avaient déjà été employés d'une manière un peu ambiguë par des porte-parole de la CIA. À une époque où Andropov était déjà au pouvoir, en 1983, ils avaient dit que l'Union soviétique avait une responsabilité dans l'attentat, mais que Andropov et le KGB n'étaient pas vraiment les auteurs de l'attentat. On avait pensé que ce langage embarrassé visait essentiellement à ouvrir des portes de sortie et ne pas compromettre des relations internationales qui commençaient à prendre le tour d'une certaine détente. La réalité est encore plus proche qu'on ne le croit de ces formulations. En fait, voici ce que l'on peut déjà déduire en première approximation, parce qu'un certain nombre de faits évidents ont pu être mis en place. Tout d'abord que l'auteur du meurtre, Mohamed Ali Akcha, était bel et bien un terroriste protégé par les services secrets bulgares. L'augmentation énorme du trafic radio de l'ambassade de Bulgarie le jour de l'attentat le montre. Il y avait un lien entre Akcha et les Bulgares. Ce lien était assuré par le parrain de la mafia turque, Bekir Çelenk, lequel avait été utilisé par les Bulgares pour déstabiliser la Turquie dans les années précédentes et disposait d'un quasi-statut diplomatique à l'hôtel Vitocha de Sofia, d'où il dirigeait des opérations en Turquie à la fois crapuleuses et au bénéfice des services secrets soviéto-bulgares. Enfin, un second point, c'est que Akcha, dans ses aveux où il met en cause des Bulgares, a raconté aussi, au passage, que son premier objectif n'avait pas été le pape, mais Lech Walesa qui devait visiter Rome peu après la conclusion de l'accord sur la légalisation de solidarité. Et ce n'est que quelques semaines avant l'attentat qu'on le change d'objectif de Walesa au pape. Pourquoi un tel objectif? Alors, les hypothèses ne sont pas très nombreuses. On sait que le pape Jean-Paul II avait envoyé aux dirigeants polonais, donc soviétiques, une lettre leur indiquant qu'en cas d'invasion de la Pologne, il reviendrait prendre sa place auprès de son peuple et y connaîtrait une fin de martyr. Le danger que Jean-Paul II, à un moment de tension entre la Pologne et l'Union soviétique, arrive d'une manière ou d'une autre jusqu'à Varsovie ou dans son ancien diocèse de Cracovie pour galvaniser la résistance, était un risque énorme qui a pu faire naître l'idée de le supprimer, purement et simplement. Mais bien entendu, nous sommes à un moment où la direction soviétique est déjà très divisée par l'invasion de l'Afghanistan, qui s'est mal passée, et où l'on voit bien naître à l'intérieur de la direction collective des oppositions à la manière forte. Et c'est précisément parce qu'il n'y a pas de mandat du bureau politique pour que le KGB organise l'attentat contre le pape que les amis de Brejnev vont s'adresser à la Bulgarie. Pourquoi avancer les choses de cette manière? Pour une raison toute simple. C'est qu'à peine Andropov est-il arrivé au pouvoir que la Bulgarie est mise en accusation de manière permanente par les soviétiques pour le caractère totalement débridé de ses services secrets. Quelques jours après l'attentat contre le pape, une première mission d'inspection soviétique est envoyée en Bulgarie. Deux mois après l'attentat contre le pape, la fille du chef de la Bulgarie, Ludmila Jivkova, meurt mystérieusement dans sa salle de bain, et nombreux sont les Bulgares qui imputent à un meurtre politique cette disparition qui a tout d'une représaille soviétique pour l'action menée par Jivkov. Au mois d'octobre, c'est l'ambassadeur de Bulgarie à Prague, Jivko Popov, qui est enlevé par le KGB et littéralement renvoyé chaîne aux pieds en Bulgarie, où il sera condamné pour trafic d'œuvres d'art. Enfin, le chef de l'aile la plus stalinienne des services secrets bulgares, Trajcho Spasov, qui est mort en l'an 2000, est exclu solennellement du Parti communiste de Bulgarie quelques mois plus tard. Tout indique qu'un début de purge des services secrets bulgares a eu lieu, mais que les soviétiques ne sont toujours pas contents des résultats. Pourquoi ? Brejnev meurt en novembre 1982. Quelques semaines plus tard, on célèbre le 60e anniversaire de la naissance de l'Union soviétique. À cette occasion, la Pravda est constellée de messages de solidarité de représentants de tous les pays de démocratie populaire. Tous ont droit à leur photographie, sauf un, Todor Jivkov. Dans le langage codé des journaux de l'Est, cela signifie que la Bulgarie est tenue en réprobation. Et qui sera nommé ambassadeur à Sofia quelques mois plus tard, le propre secrétaire particulier d'Andropov, le général Sharapov. Comme si ces preuves ne suffisaient pas, il faut y ajouter, bien entendu, une autre affaire, c'est le meurtre du père Popielouchko en Pologne quelques années plus tard. Nous sommes à l'époque sous Tchernienko, Andropov est mort, et les adversaires d'Andropov, les Brejneviens, sont en pleine contre-offensive. À cette époque, le père Popielouchko, qui est un prêtre dissident, s'agite beaucoup au profit de Solidarność. Les autorités polonaises menacent de l'arrêter, mais finalement, elle négocie avec Rome. Et la négociation est fructueuse, puisque Popielouchko reçoit son visa pour quitter la Pologne. Il devait trouver une place au séminaire polonais de Rome. Quelques jours, deux jours, je crois, avant son départ, eh bien, il disparaît et on retrouvera son cadavre mutilé et égorgé. Malheureusement pour les assassins du père Popielouchko, Gorbatchev est élu secrétaire général du Parti communiste soviétique sur ces entrefaites. Jaruzelski diligente une enquête qui ne sera pas sans difficulté. Elle finit par aboutir à l'arrestation de deux colonels de la sécurité d'État polonaise qui, soi-disant sans ordre, un escadron de la mort, avaient pris sur eux d'assassiner Popielouchko, indignés qu'ils étaient des négociations que Jaruzelski avait menées avec Rome. Le procès Popielouchko, organisé par Jaruzelski à un moment où déjà les réformateurs ont gagné à Moscou, est un modèle réduit qui permet d'expliquer le mécanisme de l'attentat contre le pape. Dans les deux cas, nous avons un groupe qui cherche l'apaisement ou la négociation, notamment avec le Vatican. Dans les deux cas, des forces qui existent dans les services de sécurité n'hésitent pas à aller bien au-delà et à accomplir des gestes provocateurs dans l'espoir de faire renaître une tension insupportable. C'est ce que Jaruzelski montre en faisant condamner deux colonels de sa propre police. C'est bien entendu, à l'échelle du continent soviétique, ce qui s'est passé avec l'engagement bulgare dans l'attentat contre le pape Jean-Paul II. Dans cette affaire, Andropov va utiliser largement la dynamique ainsi créée pour abattre les Brejneviens, car cette affaire est évidemment éminemment sérieuse. Ne voit-on pas le propre beau-frère de Brejnev, Tsvigoun, suicidé quelques mois plus tard? Il était le numéro 2 du KGB et le principal auteur de la surveillance qui pesait sur Andropov à cette époque-là. Un autre indice nous vient de Pologne qui devrait nous faire réfléchir. À peine l'état d'urgence est-il proclamé, fin 1981, un an plus tôt, et déjà, les autorités polonaises annoncent une enquête sur la corruption de l'ancien chef du parti polonais, Édouard Guérec, notamment pour les nombreux cadeaux qu'il avait reçus sous forme de voitures étrangères. C'est à fait ce communiqué est particulièrement savoureux quand on sait l'intérêt permanent que Brejnev prenait aux voitures. Il avait une collection de voitures comprenant une Rolls-Royce, une CX, plusieurs Mercedes qui lui étaient offertes de l'étranger chaque fois qu'il se déplaçait. Autrement dit, le procès Guérec n'était autre qu'un procès Brejnev. Et il était déjà engagé par Yuri Andropov. Mais les choses n'en restent pas là. Quelques mois plus tard, avec des fuites soigneusement organisées depuis Moscou, on apprend que la famille Brejnev était coupable de corruption aggravée dans de nombreux domaines. La fille de Brejnev, en association avec le roi des tziganes soviétiques, Boris, avait participé à un trafic d'œuvres d'art pouvant conduire à une peine de prison fort longue. D'autres enquêtes ont lieu à droite, à gauche, au milieu. Andropov se chargera de l'une d'entre elles concernant le chef du parti de Krasnodar, Medounov, qui avait l'habitude de faire chanter et de torturer des familles juives, et il demandera au jeune Gorbatchev d'enquêter sur cette situation. Gorbatchev rend son rapport vérace au bureau politique, mais il a le sentiment que, comme il a touché à la famille Brejnev, sa carrière est terminée. Elle ne fait que commencer en réalité. Par là, il s'était assuré la fidélité d'Andropov qui a pu voir son courage. Et c'est ainsi que nous arrivons à ce moment de 1982 où Brejnev, poussé par ses proches à passer à la contre-offensive, doit montrer qu'il est en pleine santé. Il reste 4 heures sous le froid à regarder défiler des blindés. 2 jours plus tard, il est mort. Et c'est Andropov qui s'empare, bien qu'il n'ait aucune majorité au bureau politique, du pouvoir pour 1 an. À ce moment-là, commence le grand chambardement de l'Union soviétique, la mise en place de la perestroïka. C'est de ce moment-là que l'Union soviétique va changer. Et c'est un homme, Yuri Andropov, qui l'a rendu possible. Comment l'a-t-il fait? Eh bien, l'explication, comme toujours, compliquée, andropovienne, elle nous vient de ce qui est encore la Yougoslavie. Quelques mois avant la prise de pouvoir d'Andropov, sort à Belgrade un livre signé d'un général des services secrets yougoslaves, serbe en réalité, Anton Kolendic. Kolendic a été un proche collaborateur de Ranković, le chef serbe des services secrets yougoslaves, qui était lui-même un favori des soviétiques, et Andropov visiblement le connaît bien. Kolendic raconte que 15 ans plus tôt, il a eu la possibilité, pour écrire un livre sur l'histoire des Balkans, d'avoir accès à des archives soviétiques et qu'il a montré les papiers de Beria. Et il explique dans ce livre, intitulé « Les derniers jours », qui sera épuisé pratiquement en 5 jours de vente et plus jamais réédité, bien sûr, en Yougoslavie, que Beria, en fait, avait à l'esprit non pas du tout d'étendre la dictature stalinienne et la terreur, mais de libérer les nationalités, de permettre la réunification de l'Allemagne et d'engager la Russie sur la voie des réformes. Depuis lors, l'ouverture des archives par les soviétiques eux-mêmes, par les Russes maintenant, a montré la véracité des allégations de Kolendic. Mais à l'époque, ce que Kolendic écrit fait plutôt sensation. Et par l'intermédiaire d'un ami yougoslave, ce début de réhabilitation de Beria pour Andropov, c'était la déclaration de guerre et la déclaration de candidature. Non, le KGB n'est pas ce que vous croyez. Non, le KGB ne veut pas votre mal. Le KGB va essayer de libéraliser le pays. Beria n'était pas un adversaire des libertés, et je ne le suis pas non plus. Et vous allez voir maintenant que ceux qui comprennent, comprennent. Le livre de Kolendic, c'était déjà le testament avant la mort de Yuri Andropov. On pourrait penser qu'à la mort d'Andropov, tout est dit, et que la suite n'est qu'un codicille à cet épisode dramatique de renversement du pouvoir brejnevien par une équipe résolue du KGB, dirigée par un chef mourant, mais sensible à la gravité de la crise et essayant de toutes ses forces de retenir encore l'Union soviétique devant le précipice qui s'ouvre devant elle. Il y a cependant un ultime épisode qui ressemble trait pour trait à la lutte d'Andropov contre Brejnev et qui se déroule dans l'espace plus resserré de l'Allemagne de l'Est et dont les caractéristiques sont exactement identiques. Là, le héros de l'affaire est un personnage encore plus romanesque qu'Andropov, Marcus Wolf, alias Misha Wolf, fils du grand dramaturge communiste allemand Friedrich Wolf, et vétéran, alors que pourtant il n'est pas si vieux que cela, du Comintern. Il a encore appartenu à l'appareil du Comintern juste avant sa dissolution, en 1942-43. Il a été journaliste couvrant pour la presse communiste allemande le procès de Nuremberg en 1946. Et il est entré assez rapidement dans les services secrets nouvellement créés de ce qui va devenir la République démocratique allemande, où, grâce à Beria, il s'est vu confier, jeune encore, la responsabilité de tout l'espionnage en direction de l'Ouest, c'est-à-dire essentiellement de l'Allemagne. Misha Wolf est devenu un peu le chef mystérieux et tutélaire de cet ensemble d'activités d'espionnage est-allemande. C'est aussi un homme qui s'oppose depuis des années à son chef, Erich Mielke, lequel est parfaitement représentatif de ces courants hyper-nationalistes et staliniens, si représentés à Moscou, mais également en force à Berlin-Est. N'est-ce pas Mielke lui-même qui a organisé, en accord avec l'OLP de Yasser Arafat, la réinstallation des terroristes de la fraction armée rouge, la bande Abader, en Allemagne de l'Est sous de fausses identités. Certains s'y sont fondus dans la population, mais d'autres ont continué, grâce à la logistique est-allemande, à mener des actions terroristes en Allemagne de l'Ouest. Il n'est pas exclu que la mort du grand banquier Rudolf Herrhausen, le chef de la Deutsche Bank, l'ami et le conseiller du chancelier Kohl, au moment même où le mur s'effondrait, n'ait pas été le testament posthume d'Erich Mielke à travers ses amis de la fraction armée rouge. Toujours est-il que Marcus Wolf, dont le frère est un cinéaste connu en Allemagne de l'Est et un intellectuel critique, commence dans ses années andropoviennes à se poser beaucoup de questions et à prendre un peu de champ. En réalité, la mort de son frère, comme il l'a réécrit, l'a bouleversé, et l'envie qu'il a désormais de ne plus participer à l'activité d'espionnage en première ligne est certainement sincère. Mais il s'y ajoute d'emblée la méfiance qu'il éprouve désormais pour l'évolution de l'Allemagne de l'Est d'Erich Honecker. D'avoir vu la gravité de la crise soviétique, d'avoir vu Andropov se battre comme il s'est battu contre les autorités brejneviennes, lui donne le sentiment qu'il faudrait sans doute à un moment ou à un autre faire quelque chose d'assez semblable en Allemagne de l'Est, et il est disponible pour cette affaire. Mais il le devient véritablement lorsque la guerre est déclarée entre Erich Honecker et la Perestroïka. Et cette guerre, ce n'est pas les Russes qui la déploient les premiers, ce sont les Allemands de l'Est. Depuis 1953, en effet, toutes les directions d'Allemagne de l'Est ont eu la peur d'être abandonnées par leurs protecteurs soviétiques et retentit encore dans leurs oreilles la déclaration méprisante de Beria « Qu'est-ce que c'est que ce pays qui dépend entièrement de nos divisions blindées ?» Et on voit bien Honecker, pris par l'hubris et un sentiment de puissance que rien n'autorise, devenir de plus en plus critique à l'égard de Gorbatchev, de monter le ton et, bien entendu, lorsqu'il se rend compte que la démocratisation a atteint un point intolérable, d'organiser véritablement une campagne de discrédit de Gorbatchev et d'aider, même financièrement, les opposants staliniens à Gorbatchev et à Perestroïka. À ce moment-là, la contre-offensive commence. Et Marcus Wolf, contacté par des amis soviétiques, est prêt à être un des hommes de cette contre-offensive et pour commencer, il publie en Allemagne de l'Est, mais le livre est immédiatement retraduit ou republié à l'Ouest, des mémoires intitulées « La Troïka », où il raconte sa vie à Moscou de jeune homme, son amitié pour les deux fils d'un journaliste américain, au fond, son aspiration à la coexistence pacifique, au rapprochement des deux Allemagnes à travers cette fable autobiographique, un véritable brûlot. À ce moment-là, Honecker commence une campagne discrète contre Marcus Wolff en essayant de lui imputer la responsabilité de l'affaire Guillaume. C'est le moment où on pousse Günther Guillaume, l'espion qui était aux côtés de Willy Brandt, à publier ses mémoires. Mais rien n'y fait, la popularité de Mischa Wolff est de plus en plus grande. Il se répand dans toute l'Allemagne de l'Est en conférences. Et on voit effectivement à ce moment-là se tisser, notamment pendant l'été fatidique de 1989, qui fait suite aux premières élections libres en Union soviétique, les fils d'un complot qui aboutissent vers le début de septembre, avec la fuite des Allemands de l'Est vers la Hongrie, à une déstabilisation en profondeur de toute la direction politique de l'Allemagne de l'Est. Marcus Wolff est au premier rang des manifestants, il est l'organisateur de la montée en puissance de ce groupe de réformateurs dont on a un peu un moment le sentiment qu'ils vont prendre en main le destin de l'Allemagne de l'Est, mais déjà la foule le siffle. Pour tous ces Berlinois, Mischa Wolff, c'est un représentant de la Stasi, ONI, qui ne va d'ailleurs guère survivre que quelques jours à la chute du mur. Il était bien trop tard pour combattre la vague montante. La marée allait emporter tout ce que le KGB avait cru avoir édifié. Et je crois que dans cette conclusion un peu nostalgique et mélancolique, une vérité très importante nous apparaît. Les efforts des services secrets pour peser sur l'histoire sont parfois spectaculaires. Les personnalités les plus intéressantes qui s'y adonnent sont parfois des héros romantiques et romanesques en tout cas. Mais le résultat final est souvent fin et bien dérisoire. Bien des activités qui échappent ainsi à l'adrénaline des services secrets, au mystère de la cape et de l'épée, ont un poids bien plus grand dans l'histoire des hommes que ces complots incessants. Peut-être l'histoire des services secrets n'est-elle en creux que le récit de nos folies et de nos impuissances. Elle continuera néanmoins à nous fasciner, tant le monde, comme Pascal nous l'indique, est toujours à la recherche d'un divertissement. Celui-ci en vaut certainement bien d'autres. C'était « Histoire d'espionnage soviétique » par Alexandre Adler. Équipe de réalisation, Jean-Claude Gauthier, Serge Ristich, Julie Garraud, Brigitte Bouvier. C'était les deux derniers volets de la série des 10 histoires d'espionnage proposées par Alexandre Adler, diffusées pour la première fois le 31 août et le 1er septembre 2000 sur France Culture. Vous pouvez télécharger et réécouter ces émissions à la page des nuits sur le site franceculture.fr.